Au camp. Scène 1. L'arrivée au camp. L'autobus arrive au camp international de Français. Monsieur Donna est le chauffeur d'autobus. Et voilà tout le monde. On arrive au camp international de Français. Allez-y. Amusez-vous bien. Au revoir. À la semaine prochaine. Julien, un garçon de 12 ans, parle avec Monsieur Donna. Merci, Monsieur Donna. Au revoir. À la semaine prochaine. Tu as l'air triste, Julien. C'est ta première fois au camp? Oui. Je suis un peu nerveux. Ah, ne t'inquiète pas, Julien. Tu vas beaucoup aimer le camp. Les animatrices et animateurs sont excellents. Les activités sont fantastiques. Oui, monsieur. Et la nourriture est délicieuse. Oui, monsieur. Et le lac est formidable. Tu aimes nager? Oui, j'aime beaucoup nager. Et faire du kayak aussi. Tu vas bien t'amuser. Le soir, il y a le feu de camp. On chante, on rit. Oui, j'aime bien les feux de camp. Mais je n'ai pas d'amis ici. Je ne connais personne. Tu vas te faire de bons amis, tu sais. Les campeurs sont très sympathiques. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Hé, hey, Julien, tu as oublié ton sac de sport. Ah, zut! Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, Julien. À la semaine prochaine. Bonne chance.